soir je vais te tromper, j'en pleure de rage, les yeux crevés. Ce soir je vais te quitter, oublier l'amour, me laisser aller. Je m'en vais boire, boire et reboire, je prendrai la première qui vient pour lui faire l'amour dans le noir, la rage au ventre, les yeux fermés. Ce soir je vais te tromper, j'en pleure de rage, les yeux crevés. Ce soir je vais tout gâcher, ce soir je vais tout salir, ce soir je vais te tromper.